De toute façon, 17 ans, ça ne peut pas être de la pédophilie. Voilà. On est pédophile lorsqu'on veut lorsqu'on désire des jeunes filles impubères. Quand elles sont pubères, ce n'est plus de la pédophilie. Ça peut être condamnable, etc. Mais à ce moment, enfin, il faut utiliser le vocabulaire qui convient. Je pense qu'en fait, le seul cas où on pourrait éventuellement repousser et rejeter une œuvre artistique en raison des comportements scandaleux de son auteur serait le cas où l'œuvre sert justement à l'auteur pour justifier son comportement scandaleux. Un pédophile qui ferait une œuvre qui fasse l'apologie de la pédophilie, là, effectivement, il y aurait un problème évident à apprécier cette œuvre selon des critères purement artistiques. Il me semble absolument évident que dans le cas de Woody Allen, on n'est absolument pas dans ce cas de figure-là. Alors, il est vrai que quand même, nous avons beaucoup changé de contexte parce qu'il y a un auteur qui a fait ça, un écrivain très admiré dans les années 70 et peut-être pas tout à fait pour rien, c'était Tony Duvert. Tony Duvert, dont Quand mourut Jonathan, a fait, en effet, l'apologie de la pédophilie. Mmh. Mais bon, voilà, c'était autre temps, autre mœurs.